Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 21. Malheur accablant du désert de la mer. Comme des tourbillons viennent de l'Africus, il vient du désert, d'une terre affreuse. Une vision pénible m'a été annoncée. Celui qui est incrédule agit infidèlement, et celui qui dépeuple dévaste. Monte, Élam, m'aide, assiège. J'ai fait cesser tous ces gémissements. À cause de cela, mes reins sont remplis de douleur. L'angoisse s'est emparée de moi comme l'angoisse d'une femme en travail. Je suis tombé lorsque j'ai entendu, j'ai été tout troublé lorsque j'ai vu. Mon cœur s'est flétri, des ténèbres m'ont frappé de stupeur. Babylone, que je chérissais, m'est devenue un sujet d'étonnement. Dresse la table. Contemple dans une guérite ceux qui mangent et qui boivent. Levez-vous, prince, saisissez le bouclier. Car voici ce que m'a dit le Seigneur. Va, et place une sentinelle. Et tout ce qu'elle aura vu, qu'elle l'annonce. Et elle vit un chariot conduit par deux cavaliers, l'un qui montait un âne et l'autre qui montait un chameau. Et elle considéra soigneusement d'un œil très attentif. Et elle cria comme un lion. Je suis dans la guérite du Seigneur, m'y tenant continuellement pendant le jour, et je fais ma garde, m'y tenant les nuits entières. Voici que vient cet homme qui monte le chariot aux deux montures des cavaliers. Et il répondit, et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux taillées au ciseau ont été brisées contre terre. Mon battage, et vous, fils de mon air, ce que j'ai ouï du Seigneur des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Malheur accablant de Dumas. Il me crie de Séhir, garde, qu'annonces-tu de la nuit? Garde, qu'annonces-tu de la nuit? Le garde dit, le matin est venu et la nuit. Si vous cherchez, cherchez. Convertissez-vous, venez. Malheur accablant dans l'Arabie. Dans le bois, le soir vous dormirez dans les sentiers de Dédanim. Venant au-devant de celui qui a soif, portez de l'eau, vous qui habitez la terre du Midi, avec des pains, venez au-devant de celui qui fuit. Car à la face des glaives ils ont fui, à la face du glaive suspendu, à la face de l'arc bandé, à la face d'un grave combat. Parce que voici ce que me dit le Seigneur. Encore une année comptée comme l'année d'un mercenaire, et toute gloire de Cédar sera enlevée. Et le reste du nombre des forts archers de Cédar seront diminués, car le Seigneur Dieu d'Israël a parlé. Instrument de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.